5h du matin, gare de Kaolack, un petit gamin contre le sommeil suce un bout de pain jeté par un toubab, attendra demain mendier au soleil. Petit alibi délaissé, crève de fatigue et d'ennui, perd sa vie pour récolter 3 sous pour le marabout. Trois moineaux, grands comme un adulte, connaît pas l'innocence de l'enfance. Les passants pour eux chantent à l'âme du lilas, car c'est à Dieu de partager la chance. Petit alibi délaissé, crève de fatigue et d'ennui, perd sa vie pour récolter 3 sous pour le marabout. Crève de fatigue et d'ennui, perd sa vie pour récolter 3 sous.